paraît que les larmes, ça coûte le sel. Paraît que c'est comme l'eau de la mer, celle qui fait fondre les grands glaciers. Pleure à ma place, je sais pas comment. Avec le temps, je suis resté celui à qui on peut se confier, celui qui en crève d'être. Comme ça depuis tant d'années, mes tiroirs vont bientôt craquer. Oh, y a tant d'histoires de mal d'amour jamais confiées. Y a des chagrins comme des secrets. Je vais rester là.